patriotes, saluons bien haut le fleur de lys sur nos bastions, à la mémoire de héros qui ont guidé notre nation dans les vaillants combats des frères. Vénérons, patriotes fervents, les étendards de l'unité, car des fleurons qui prennent au vent, ainsi les jours et l'unité, à la patrie qui nous est chère. La voix de l'indépendance du Québec. Les rapports de réception sont encouragés via le SU, CCTT, Wing, Defender Grounds, Combois, Québec Libre. C'est la voix de l'indépendance du Québec. C'est la voix de l'indépendance du Québec, une terreur libre en Amérique du Nord. Oh, voix de l'indépendance. Continuez au petit train, toujours. Que le peuple québécois fasse usage de son droit à l'autodétermination, un principe qui inclut la possibilité de choisir entre l'intégration à un État tiers, l'association politique avec un autre État ou l'indépendance à France et le Québécois. Collectivement étant des moyens démocratiques, avec sa propre constitution d'indépendance. Oui, et cela devient possible. Vive notre nation libre du Québec. C'est la voix de l'indépendance du Québec, une terreur libre en Amérique du Nord. La voix de l'indépendance du Québec. Thank you.

mouvement souverainiste québécois est un mouvement politique dont l'objectif est d'obtenir l'indépendance du Québec du Canada. Les souverainistes suggèrent que le peuple québécois fasse usage de son droit à l'autodétermination, un principe qui inclut la possibilité de choisir entre l'intégration à un État tiers, l'association politique avec un autre État ou l'indépendance, afin que les Québécois, collectivement et par des moyens démocratiques, se donnent un État souverain avec sa propre constitution indépendante. Oui, et cela devient possible. Vive notre nation libre du Québec. C'est la voix de l'indépendance du Québec, une terreur libre en Amérique du Nord. De l'indépendance du Québec. S'ouvrir au monde, c'est la voie de l'indépendance du Québec. Les rapports de réception sont encouragés via le FU, TTPP. Wound, Defender Ground, comme droit. Québec libre, c'est la voie de l'indépendance du Québec. C'est la voie de l'indépendance du Québec, une terreur libre en Amérique du Nord. Saluons bien haut le fleur de lys sur nos bastions, à la mémoire de ces héros qui ont guidé notre nation dans les vaillants combats des frères.